Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 105. De la désobéissance. La désobéissance est un péché mortel. Elle n'est pas le plus grave des péchés. 1. La désobéissance est-elle un péché mortel ? Saint Paul range au nombre des péchés mortels la désobéissance aux parents. 1 Timothée 3:1. Le péché mortel est celui qui est contraire à la charité, et par la charité on aime Dieu et le prochain. Or l'amour de Dieu prescrit d'observer les commandements, parmi lesquels se trouve l'obéissance au supérieur. Donc la désobéissance est contraire à la charité. Donc elle est un péché mortel. Aussi l'apôtre a-t-il prononcé cette parole, « Celui qui résiste au pouvoir résiste à l'ordre de Dieu. » Romains 13, 2. L'amour du prochain est pareillement détruit par la désobéissance, puisqu'on refuse au supérieur ce qui lui est dû. Note. Quand saint Ambroise a dit que le péché est une désobéissance à la loi de Dieu, il a défini le péché mortel, qui contient l'idée complète du péché. Le péché véniel n'est pas, à parler rigoureusement, une désobéissance, il ne va pas contre le précepte, il est en dehors. Le péché mortel lui-même n'est pas toujours le péché de la désobéissance proprement dite, il peut appartenir formellement à une autre espèce de péché. Fin de la note. 2. La désobéissance est-elle le plus grand des péchés? Le mépris du supérieur est un plus grand péché que le mépris de ses ordres, or certains péchés, comme le blasphème et l'homicide, peuvent se commettre contre la personne même qui commande. D'un autre côté, les actes de désobéissance ne sont pas tous égaux, les uns ont plus de gravité, les autres en ont moins, par deux causes. D'abord, par le maître qui commande, on doit plus de soumission à celui qui a plus d'autorité. Ensuite, par les préceptes. Les supérieurs n'exigent pas d'une volonté égale tout ce qu'ils prescrivent, ils veulent, avant tout, la fin qu'ils se proposent. Plus leurs ordres y sont intimement liés, plus la désobéissance est grave. Il faut conclure de ces aperçus que la désobéissance n'est pas, absolument parlant, le plus grand des péchés. Note. Le premier péché, d'où sont venus tous les autres, ne fut pas la désobéissance, considérée comme péché spécial, ce fut l'orgueil, qui poussa Adam à désobéir. markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.